machombe na kapa tuwe kila sayi uwe tusia e. tier. Voilà d'un qui bilingue. Abilingue mi cotier. Josu men abilingue. Abilingue mi cotier. Dudu qui dati bilingue. Abilingue mi cotier. Abilingue. Abilingue. Abilingue mi cotelier. Jesco.